4. Anatoli d'abord n'avait pas douté que Paulin, passant quelques heures à Cassillac, ne vint lui faire une visite. Elle reçut sa lettre, il ne le disait pas. Et avec ce drôle de garçon, que savoir? N'irait-il pas, comme il l'annonçait, à la tombe de Madame de Berville, et sans retard, ne partirait-il pas? Anatoli eût voulu s'assurer de le voir ou lui écrire. Il arriverait, disait-il, d'aujourd'hui en 8. Ainsi, elle savait le jour et non l'heure. Elle consulta l'horaire des trains. Elle évalua un peu arbitrairement que le seul train qu'il dut prendre était celui de 4 heures après-midi. C'est la journée presque finie, même en été. Il ne baguenauderait pas, et en sortant de la gare, il monterait au cimetière directement. Après cela, il y avait un train pour le retour à 7 heures. Partirait-il de le soir même? Sans doute. Sa lettre si elliptique indiquait pourtant, et qu'il avait peu de temps à lui, et qu'il venait tout uniment pour le cimetière. Anatoli examina tout cela. Elle résolut d'aller au cimetière sur les 4 heures et d'y rencontrer Paulin. En sortant, vive et décidée, elle dit à la vieille Catherine. « Si Monsieur Paulin vient pour me voir, tu le prieras de m'attendre. Monsieur Paulin, le petit Paulin, il n'oserait pas. » La vieille Catherine fut si étonnée et bouleversée qu'Anatoli, sur le point de mettre le pied dehors, hésita. Ne faisait-elle pas, en allant chercher ce Paulin dont le nom seul scandalisait Catherine, une chose un peu extravagante? Eh bien, tant pis. Devant la tombe de sa grand-mère, elle s'agenouilla. Elle dit ses prières, celles dont les mots sont à jamais fixés, et qui donnent une aide si bienfaisante, non pas à la ferveur que nous avons, mais à notre faiblesse. Elle se sentit faible. En effet, et alarmée, sans l'assistance des formules, ses prières dites. Mais Paulin n'arrivait pas. Elle pensait, et à sa grand-mère, et à Paulin. Le cimetière était un grand jardin, où sur les tombes, sous les arbres, jouaient silencieusement l'ombre et le soleil. Mais la tombe, couverte de sa pierre lourde, était un cachot dont la vue étouffait cette jeune vivante. Anatoli avait pitié de sa grand-mère et de la captivité des morts. Elle savait les âmes libérées, mais elle avait pitié des corps, et leur prêtait une souffrance, que son désir de liberté rendait plus aiguë. Puis, à l'idée d'avoir détaché d'elle ses contraintes, elle disait doucement à sa grand-mère, « Mes contraintes, ce n'était pas vous. » Elle ne disait qu'à demi la vérité, mais avec une ardeur qui consacrait au moins son vœu. Inquiète cependant, elle recommença ses oraisons, et aussitôt, comme une petite infirme qui a retrouvé ses béquilles, elle trotta sur le chemin de la piété. Elle était au « souvenez-vous » quand arriva Paulin. Il arriva très lentement et intimidé, peut-être, d'avoir aperçu de loin Mademoiselle Anatoli. Elle sut qu'il était là, derrière elle, mais elle ne se retourna pas avant d'avoir achevé le « souvenez-vous », puis avant d'avoir laissé à Paulin le temps d'une prière. Enfin, elle dit « Bonjour, Paulin ». Elle lui tendit la main, et elle l'emmenait. Elle fit vers la tombe le signe de la croix. Elle observa que Paulin saluait seulement la tombe. Il avait sous son bras son chapeau et s'inclinait, avec gaucherie, comme devant une dame qui n'est pas morte. Elle se souvint de sa lettre. Il l'avait dit qu'il venait saluer la mémoire de Madame Romain. Ce parti pris de n'être aucunement pieux et d'affirmer ses principes de philosophe, Anatoli le détesta. Elle en était froissée. Et Paulin, de cette façon, ne soulignait-il pas la contrariété de son évangile et de l'évangile, de sa liberté aventureuse et de la discipline catholique? Mauvais apôtre, il aurait dû l'amadouer. Il l'effarait. Elle lui dit « Viens, Paulin ». Et jusqu'à la sortie du cimetière, ils ne parlèrent pas. Mais dehors, amusée d'avoir auprès d'elle ce grand garçon, et animée de tant de hardiesse, qu'elle sentait dans son cœur fier et innocent, elle regarda Paulin. « Comme tu es changé, lui dit-elle, un homme tout à fait, et ma foi, un monsieur. » Paulin la regardait aussi, et l'admirait, et n'osait pas lui dire qu'elle était une jeune fille très belle. Faute de lui dire, il se taisait, et souriait avec bonhomie. « T'aurais-je reconnu, reprit-elle. Oh oui, je crois. » Tout de même, c'est drôle comme on change. Il était grand, mince, habillé d'un costume presque noir, assez bien habillé, avec un peu de recherche dans la simplicité, un chapeau de feutre mou au bord large, tel qu'en ont volontiers les artistes et aussi les doctrinaires, qui sont des artistes d'idées, une cravate lavalière, du linge, et moins que les gens du monde, assez de linge cependant, et son visage d'autrefois, mais avec un collier de barbe noire et frisée, surtout avec un air de gravité toute nouvelle, avec de la gabinerie encore aux yeux et dans le sourire. « Allons-nous-en, dit Anatoli. » Et il hésitait, consultant sa montre. « C'est que je pars. »« Oui, à 7 heures, il n'est pas 5 heures. »« Viens à la maison, j'ai arrosé avec toi. »« Mais qu'y a-t-il ? » Jamais il n'avait eu rien de si difficile à dire. Il dit « On nous rencontrera. » Anatoli riait. Elle partit et il la suivit. Au bout de quelques pas, ils marchaient côte à côte et lestement comme des camarades. Anatoli le remerciait d'être venu, lui demandait pourquoi il n'était pas venu le jour de la cérémonie. C'était afin de ne pas offenser M. René par sa présence. Et si elle ne l'avait pas rencontré au cimetière, lui aurait-il fait visite? Il avoua que non. Pourquoi? C'est qu'il n'eût pas osé. Il ne savait pas ce que, dans la famille, on pensait de son brusque départ. Et pourquoi n'avait-il pas donné son adresse? Afin de ne pas apprendre, par une lettre, ou s'il ne recevait aucune réponse aux lettres qu'il écrivait pour le jour de l'an, que Madame Romain le condamnait. Et que vous me condamniez, Mademoiselle Anatolie. Grand-mère, ne te condamnez pas. Et moi, tu es rassurée maintenant. Mais c'est vrai que tu es partie sans nous dire adieu. C'est vrai, fit-il. Seulement, c'était une trop longue histoire pour être racontée en marchant. Ils furent dans la rue des vieux rapporteurs, l'une des rues qui avait eu leur miroir tout noirci de fumée. « Ah, dit Anatolie, j'ai bien deviné que c'était toi le coupable. Tu n'as pas su tout le scandale que tu as fait. » Elle riait, mais il ne riait pas. Il répondit, « Tout ce scandale, et à quoi bon ?» Il n'aimait pas ce souvenir. Il l'éludait. Anatolie conjectura que son apostolat n'avait pas réussi. Elle attendit un instant pour savoir s'il n'allait pas lui raconter l'échec de son apostolat. Mais il s'attristait et gardait pour lui son chagrin. Elle reprit, « Si tu savais comme ça m'amuse de penser qu'en ce moment, tous les miroirs nous guettent, nous examinent et qu'ils préparent leur potin. » Alors il aurait bien voulu rentrer sous terre, s'anéantir. Une véritable souffrance était marquée sur son visage. Pour ne pas se sauver en courant, comme les chats qui ont peur et qui, le long des murs, se faufilent jusqu'au trou de cave où ils disparaissent, il eut à lutter contre lui-même, à se raisonner. Cependant, il pressa le pas. « Mais Paulin, je ne peux pas te suivre. Dépêchons-nous, mademoiselle Anatolie. C'est un martyr pour moi de me dire que je vous compromets. Vous n'auriez pas dû. » « Mais Paulin, on ne me compromet pas. Et puis, qu'est-ce que tu as fait de ton évangile ?» Et ce mot ne lui plaisait pas. Elle n'en avait pas trouvé d'autre. « Mon évangile n'était pas pour vous. » « Par exemple ?» « Et puis, mon évangile ne valait rien. » Elle fut si déconcertée qu'elle se tut. Quoi, si Paulin lui démentait son évangile, au moment où, l'ayant adopté, elle le pratiquait, n'était-ce pas la fin de tout? La fin de tout, non pas, car elle avait pour résister contre les défaillances de l'idéologie son entrain. Puis, au bout du compte, elle ne croyait pas que Paulin trahît l'aventure. Il avait renoncé peut-être à ses formules, ou bien à son genre d'apostolat. D'ailleurs, elle en aurait bientôt le cœur net. Et elle se préparait à l'interroger, ce Paulin qui, à chaque fois, lui troublait toutes ses idées terriblement. Et il fallait bien qu'elle le sentît délicieusement. Elle lui poserait mille et mille questions, jusqu'à tout savoir. Et lui, manifestement, n'avait pas envie de parler. Ah, il parlerait. « Tu vas tout me raconter, Paulin. »« Vraiment ? » fit-il, avec une inquiétude évidente. Ils arrivaient. « Oui, nous avions déménagé, grand-mère et moi, peu de temps après ton départ. C'est assez laid ici, n'est-ce pas ?» Dans le salon, Paulin ne sut pas s'il était dépaysé. Il reconnaissait tout l'ornement de l'ancien salon, les meubles, les tableaux, les portraits de la famille, tout cela, mais disposé autrement, resserré, entassé dans une pièce plus petite. Il restait debout, regardait et ne disait rien. Anatolie lui demanda « À quoi penses-tu » Il répondit « Je cherche à me rappeler l'ancien salon et la place où était chaque chose, et quand je remets chaque chose à sa place, chaque chose a l'air de revivre. » « N'est-ce pas ?» répartit Anatolie avec la joie d'entendre Paulin dire ce qu'elle pensait. « Ici, tout ça est mort. Je ne sais pas pourquoi. On a essayé plusieurs combinaisons. Le piano dans ce coin, le guéridon là-bas, la table à jeu devant la cheminée comme au parvis. Non, tout ça est mort en quittant la vieille maison. C'est étonnant comme les objets sont casaniers. Ils ne sont pas faits pour l'aventure, eux. Au fond, si nous étions restés dans la vieille maison, peut-être que j'aurais cédé à leurs conseils, de vieux maniaques. Finalement, j'aime autant pas. » Et l'oncle René, qui ne s'en doutait pas, m'a rendu un fier service. Tu comprends que je n'aurais pas de peine à m'en aller de ce bric-à-brac. Monsieur René, oui, je te raconterai. Mais d'abord, toi. Vous partez? Vous ne quittez pas Castillac? Anatolie le tenait par la curiosité. Tu ne sauras rien avant de m'avoir dit ce que tu es devenu depuis le temps. Il commença. Présentement? Non, non, d'abord. Eh bien, la grosse dame qui avait enlevé Paulin, c'était une grosse bonne dame un peu comique. Et Paulin ne refusa pas d'en rire un peu. « Tu la connaissais ?»« Pas du tout. Elle était là en passant. »« Elle voyageait. Elle a écouté mon discours par hasard. »« Quand on m'a jeté des pierres, elle s'est adressée à la foule avec une voix de colonel. »« Qu'est-ce que vous avez contre ce petit ? Laissez-le, laissez-le, ou je... »« Je ne sais pas ce qu'elle aurait fait. »« Elle m'appelle et me propose de m'emmener à Paris. »« C'était tout ce que je désirais le plus au monde. »« Je suis parti. » Anatolie se montrait un peu choquée. « Oh !» reprit Paulin, souriant avec modestie. « Elle n'est pas toute jeune. » Il eut un scrupule, et il se ravisa. « Seulement, elle a une âme de petite fille. » Anatolie se récria. « une petite fille qui enlève les grands garçons. » Paulin se défendait en galant homme. « Oh, ce ne fut pas un enlèvement. Son mari était dans l'automobile. »« C'est égal. Une petite fille, je vous jure. Elle fait des vers, oui, oui, des vers, comme je crois qu'en font les pensionnaires des couvents, sur les papillons, sur les roses. Et dans ses vers, elle appelle son mari. Je suis sûr que c'est son mari, car il n'y a pas de plus honnête femme. Elle l'appelle beau chevalier. Il vend des chevaux. Alors on se moque d'elle. On a tort. Elle est très bonne. Elle m'a pris pour secrétaire. Je lui copiais ses poésies, et je lui lisais les poésies des autres. Elle aime mieux les poésies des autres que les siennes. C'est une âme très pure. Elle invitait du monde pour entendre mes discours. Les discours comme devant le château, ce fameux dimanche. Ah, ça faisait un drôle d'effet, dans un salon de Paris. Elle disait, quel orateur. Elle m'appelait son petit Gambetta. Elle me rendait ridicule sans le vouloir. Elle me trouvait amusant. Mais oui, Paulin, tu es amusant. Anatolie était enchantée. Paulin la supplia. Ne me dites pas que je suis amusant. C'est un mot dont j'ai trop souffert. Je croyais posséder la vérité, je la proclamais. On riait obligeamment. Et j'amusais quand j'aurais voulu convaincre. Un beau jour, j'en ai eu assez. Je suis parti sans dire où j'allais, et je n'allais nulle part. Alors j'ai vécu n'importe comment. Dis-moi comment tu as vécu. Paulin rougit et son visage se contractait. Il balbutia. J'ai vécu, que vous dire, comme un pauvre, oui, comme le plus malheureux des pauvres. Il se reprit. Ce n'est pas de ça que j'ai honte. Mais au bout de 2 mois, après avoir passé une semaine à l'hôpital, j'ai manqué de courage. Et ça, j'en ai honte. Je suis retourné chez mes bons protecteurs. J'étais douillet. Ils m'ont reçu, je suis rentré chez eux en parasite. On me logeait. Lui, le mari, m'offrait d'entrer dans ses bureaux. Elle se récriait. « C'est un poète !» Une fois, il a répondu. « N'en faites pas un déclassé !» Elle a fondu en larmes. « Pas moi, et c'est ce mot qui m'a sauvé. » Je me perdais. Elle m'avait persuadé d'être un poète. Et j'écrivais des niaiseries que, grâce à elle, on imprimait dans des revues. Mais alors, j'ai lu Marx, j'ai lu Proudhon. J'ai lu ce que j'avais à lire. Puisque j'étais un déclassé, j'ai connu la lutte des classes. J'ai pris conscience de mes devoirs, et je suis maintenant maître de ma certitude. » Il avait un accent si dur qu'Anatolie s'en étonnait. Elle lui demanda « Quelle est ta certitude ?»« En 2 mots, j'étais anarchiste, et je suis socialiste. L'anarchie est une erreur, ou plutôt elle est une erreur provisoire. Nous la réaliserons, mais plus tard, dans l'ordre institué par le socialisme. Elle sera le couronnement de la révolution. » L'erreur, la mienne et celle de bien d'autres, ce fut de croire que l'anarchie devait être au début. Je dis la belle anarchie, car la laide, l'anarchie bourgeoise, nous l'avons jusqu'à la nausée. Mais la belle anarchie, ce sera la récompense, le socialisme en attendant. La révolution se fait par étapes, nous la ferons avec méthode. Chacune de ces phrases sonnait le tocsin dans la tête d'Anatolie. Ce vacarme d'idées, plus étourdissante que des cloches, la tourmentait, lui donnait un sentiment de joie et d'horreur. Il lui semblait qu'il s'alluma des incendies devant elle, et malgré l'épouvante, les flammes étaient un spectacle magnifique. Puis, simplement, elle avait peur. Elle dit à Paulin, « Tu es un révolutionnaire ?»« Évidemment, oui, à n'en pas douter. » Mais il arriva que ce mot, prononcé par Anatolie, prenait un caractère nouveau, dont Paulin lui-même était surpris. Il le disait bien aisément, lui, et n'avait plus besoin de le dire, qu'il fût un révolutionnaire. Puis, à la question d'Anatolie, c'est à peine s'il osa répondre. Quant à elle, ce mot lui résumait toute l'abomination redoutable. Jamais, à Cassillac, elle ne l'avait entendu dire autrement que comme une injure à l'adresse des gens sans aveu, des bohémiens qui l'étaient, campent aux abords de la ville, sur les prés communaux, et qui volent, dit-on, les enfants. À l'adresse des malfaiteurs, et de la part de René un soir, à l'adresse de Paulin. Mais alors elle protestait contre la malveillance et l'injustice de René. Elle niait avec une ardeur acharnée que Paulin mérita cet affront. Et cet affront, Paulin le revendiquait. Paulin qui n'était pas humble. Paulin qui, dans son orgueil nouveau, se campait fortement. Paulin tout de même dont la voix fléchissait. À la dernière minute pour répondre « Oui, je suis révolutionnaire. » Est-ce qu'il avait honte? Il fallait débrouiller tout ce mystère. Et, dans ses obscurités, chercher des lueurs. Paulin reprit « Pardonnez-moi, je vous tiens un langage. » « Non, dis-moi seulement si tu as honte d'être... révolutionnaire, c'est ma fierté. » Il annonça que la révolution sera le salut du genre humain et qu'elle ouvrirait l'aurore universelle. Anatolie entendit encore les cloches du tocsin, leurs glas, leurs battements violents, leur colère. Paulin se tut, et puis il dit « À votre tour, mademoiselle Anatolie, racontez-moi. » qu'eût-elle raconté? Il l'interrogea. « Vous quittez votre maison ?» qu'à Astillac. « Oui, je m'en vais. Où allez-vous » Elle frémit en répondant « Je vais à Paris. » Il en parut inquiet. « Oui, je vais à Paris, et j'y vais toute seule. » Paulin la regardait avec angoisse. Elle continua. « Je veux voir la révolution qui se prépare. Tu me la montreras. » Il la supplia. « Ne faites pas ça, mademoiselle Anatolie. Non, je vous en prie. » Elle sourit. « Tes évangiles ne sont jamais pour moi, Paulin. Tu travailles pour l'humanité. Seulement, moi, je suis à part. Qu'en dis-tu ? » Il ne sut que dire, et dit bravement. « Oui, vous êtes à part. » Elle se fâcha. « C'est-à-dire que je n'ai qu'à rester dans mon coin jusqu'au jour ? Ce n'est pas pour demain, la révolution, avoua-t-il. « Oui, et j'aurai bien le temps de mourir avant cela, dans mon coin, n'est-ce pas ? Où demeures-tu à Paris, Paulin ?» Il demeurait rue Lacépède, auprès du jardin des plantes. Mais elle ne pourrait pas venir le voir. Il lui, « Mais non, il ne pourrait pas aller la voir. »« Pourquoi ? Mais c'était impossible. »« Quoi ? Est-ce que ses tantes n'avaient pas soin d'elle ?»« Madame Antoine, si dévouée, je t'écrirai, Paulin. » Et s'il l'avait effrayée, elle l'intimidait. Il aurait voulu lui expliquer toutes les raisons qui empêchent une jeune fille de se lancer dans cette ville si terrible. Mais enfin, Paulin, je crois qu'il y a pourtant des jeunes filles à Paris. Il y songea, et de toute sa franche sincérité répondit « Non ». Anatolie éclata de rire. Il ajouta « Des jeunes filles comme vous, non ». C'était bien toute sa pensée. Il lui en faisait hommage. Elle cessa de rire. Elle lui demanda « Qu'est-ce que tu appelles une jeune fille comme moi ?» Il n'allait pas le lui dire, et elle observait qu'il n'était pas du tout le même quand il débitait ses rudes théories, et quand il lui parlait tout bonnement d'elle. Son dogmatisme l'abandonnait, et il devenait si craintif, lui trop hardi, et si hésitant, lui que guindait plutôt la rigueur de sa certitude. Il n'avait plus le même ton, certes, et l'homme qu'il était pour affirmer les paradoxes de la Révolution disparaissait. Elle ne voyait plus qu'un grand garçon, gentiment gauche, et qui multipliait les précautions de la parole et de l'esprit jusqu'à s'égarer parmi leur nombre et leur délicatesse. Il la déroutait, et elle ne savait plus lequel était le vrai Paulin, le violent ou bien le doux. Elle ne se figurait qu'on pût réunir en soi deux êtres, et elle ne comprenait pas que Paulin, qui avait le tempérament d'un orateur, était à son aise dans les idées de discours, gêné dans les autres idées. Mais elle comprenait, et elle ne se trompait aucunement, qu'il éprouvait à son endroit des sentiments très différents et amicaux, difficiles à exprimer, et qui font trembler les lèvres qui les disent. Elle en fut touchée. Cependant, elle riposta. « Si tu savais combien je suis lasse d'être une jeune fille comme moi, tu ne t'en doutes pas. C'est dur, Paulin, de vous condamner à être cette jeune fille-là. Et toi, quel homme singulier tu es ? Tu me racontes des histoires de révolution, tu mets le feu aux quatre coins du monde, et puis tu m'engages à faire dodo bien sagement. Tu m'as chanté le « Ça ira », et puis tu me chantes « Fais dodo, Colin, mon petit frère, pour m'endormir. Je n'ai plus sommeil, Paulin. » Elle ajouta un peu après. « Et c'est ta faute. » Paulin fut prêt à se défendre. Et il avait toujours sur lui son éloquence. Mais au moment de parler, il eut l'air paralysé par sa pensée. Il s'accusait par-devers lui, trop vivement, pour s'élancer à la riposte. Et son remords tirait en arrière son apologie. Il broncha. Son visage tendu un instant céda et ne parut que malheureux. Anatolie ne voulut pas lui être impitoyable. Mais aussi elle était dans l'attaque et ne fit pas un brusque revirement. Elle dit « C'est ta faute, oui, et ce n'est pas ta faute. Je n'avais pas le don de la patience et de l'ennui. Cependant, que ne me disais-tu la veille de ton départ ? L'as-tu oublié ? Tu me disais que la terre est assez belle pour mériter qu'on la visite avant de se résoudre à mourir. » Tu me disais qu'il est honteux et bête de se cacher dans des petits coins et recoins au lieu d'aller à son plaisir, et part sur la terre. Tu me disais qu'il est tentant de vivre. Ah, comme je t'ai cru! Tout le jardin du parvis était embaumé de tes paroles. J'avais tort, s'écria Paulin. Mais elle ne l'écoutait pas. Et à présent que je vais suivre tes conseils, tu as changé d'avis. Tant pis pour toi. J'ai attendu 7 ans, et pour attendre, j'avais une servitude bien douce. Tu m'avais dit que toute servitude est mauvaise, et tu m'as fait parfois supporter mal le devoir de rester auprès de ma pauvre petite grand-mère, comme j'ai aimé de tout mon cœur et comme je n'aimerais jamais personne. Elle a bien senti que j'étais aventureuse. Elle m'avait gardé enfant. Puis elle m'a, sans le vouloir, et en le sachant à peine, retenu par les seuls liens de la tendresse. Paulin ne put laisser passer l'occasion de l'argument le meilleur. Puisse-t-elle vous retenir maintenant par le souvenir ? Anatolie, d'un geste vif de la main, le fit taire. C'est mal, dit-elle, je vais partir, ne vois-tu pas que je vais partir? Et toi, tu me chargerais d'un remords, comme je sens que tu en as un. Oui, j'ai beaucoup de remords. Si l'on savait ce que deviennent les paroles une fois dites, on n'oserait pas les dire. Mais enfin, si vous m'avez cru quand j'avais tort, croyez-moi quand j'ai raison. N'allez pas à Paris comme ça, sans guide, et avec des idées. Quelles idées? Et sans guide? Non. Je compte bien sur toi pour me guider. Mais je ne le peux pas. Tu veux guider l'humanité entière, et pas moi? Mais si vous saviez la vie que je mène. Tu me sacrifieras un peu de temps. Mais ce n'est pas mon temps. Qu'est-ce que c'est? Tout, c'est les gens que je vois et qui ne sont pas des gens pour vous. C'est, écoutez-moi bien, je vous le dis de tout mon cœur, sans fausse humilité, sans guerre de tristesse et comme une simple vérité, si évidente qu'elle ne m'offense et ne me peine pas. C'est le peu que je suis et qui fait que je ne suis pas quelqu'un pour vous. Mais non, c'est la nature même de ma besogne. La révolution? Eh bien oui. Mais moi, je veux voir la révolution. Il se débattait ainsi. Et dans la polémique, Anatolie ne prenait que plus d'assurance. Elle dit, avec la gaieté d'être victorieuse, « Je te promets de n'être pas très occupante. Je t'écrirai, tu viendras, nous causerons. Tu m'indiqueras des lectures, tu me montreras des révolutionnaires. Si, si, j'y tiens. Si c'est horrible à voir, tu ne m'en montreras plus. Voilà tout ce que je te demande, ce n'est pas énorme. » Il la regardait avec admiration, et elle s'en aperçut. L'heure avançait, et leur querelle était finie. Ils causèrent paisiblement. « Tu fais la révolution, Paulin, mais tu as un métier pour gagner ta vie, n'est-ce pas ?» Il était secrétaire de la rédaction dans un journal. « Ah, tu es journaliste ?» Et à Cassillac, les journalistes n'étaient pas en grand honneur. « Journaliste, oui, que voulez-vous ?»« Mais c'est très bien. Et comment s'appelle ton journal ?»« L'égalitaire. »« Tiens !» Et elle rit. Mais Paulin, brièvement, lui expliquait ce titre. Il s'était, lui, Paulin, trompé jadis en comptant sur la liberté. « La liberté, c'est le désordre. L'égalité, c'est l'ordre. » Elle regrettait la liberté. Seulement, c'était à la fois trop d'idées singulières et neuves qui lui advenaient. Et elle en était curieuse. Mais elle ne savait qu'en faire. Elle n'en voulait plus. Ce qu'elle avait lui suffisait pour la fin du mois qu'elle devait passer à Cassillac. Après cela, d'autres idées encore et toutes les idées. En attendant, elle eût volontiers été seule à examiner sa récolte, quasi trop abondante déjà. Et elle y conduisit Paulin plaisamment. « Si tu te lasses de l'égalité comme de la liberté, Paulin, il ne te restera plus que la fraternité. » Il eut bien répondu, mais Anatolie n'était plus disposée à l'entendre, et lui, sur le point de s'en aller, s'abandonnait à une mélancolie agréable. Il écarta tout projet de rien déranger au charme de cette minute finale, qu'il prolongea. Il se leva enfin. « 6h30, il est temps que je parte. Adieu, Paulin, et au revoir plutôt, je t'écrirai. » Mais la porte fut ouverte par Catherine. René entra, le René des plus mauvais jours. Il avait sa mine de colère froide. Il avança de quelques pas, et il regardait Paulin fixement, de ses yeux qui, n'ayant aucune expression, vous troublaient davantage. Paulin le saluait. Anatolie s'approcha de René, lui dit bonjour. Il dit à Paulin, « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Paulin fut déconcerté un instant. Il se tourna vers Anatolie, affecta de prendre congé, très cérémonieusement. Anatolie guettait René, qui, boutal, recommença. « Je vous demande. »« Vous n'avez rien à demander, » s'écria de toute sa voix Anatolie. « Ou bien adressez-vous à moi, je vous répondrai. » Il ne s'attendait pas à tant d'énergie. Et puis la véhémence n'était pas sa manière. Il valait mieux dans une dispute, où, ayant posé d'abord sa suprématie, par une sorte d'intimidation qui d'habitude lui réussissait, il n'avait plus qu'à frapper sur l'interlocuteur un petit coup de phrase nette. La violence d'Anatolie imprévue l'étourdit. En une seconde, il parvint à se ressaisir. Anatolie le devança. « Quelle façon d'entrer chez moi ?»« Et de nouveau, chez moi, et pour là aussi, chez moi. »« C'est ce que je n'admets pas, » répartit René. « Admettez-le, vous n'avez pas mieux à faire. » Paulin s'en allait, et il s'en va. « Mais je ne veux pas qu'il s'en aille de chez moi, sur un mot blessant de vous, ni de personne. Ainsi voyez, et décidez. » René sentit qu'il n'était pas le plus fort. Il n'avait plus à essayer de faire front, et plutôt que de recevoir devant Paulin toute la vanille, il préféra simuler un malentendu. Il prit comme il put un air de bonhomie, et s'asseyant, car ses jambes le soutenaient mal, il dit « Alors, c'est la révolte ?» Il croyait ainsi désarmer l'adversaire. Infatué par tant de victoires faciles, de son despotisme, il comptait son moindre sourire, comme un cadeau qui lui gagnait tous les cœurs. Mais Anatolie, méfiante, le répliqua « C'est la révolte !» Alors, peu s'en fallut qu'il ne se redressât. Et il eut pris par les deux épaules ce Paulin, qui au surplus l'inquiétait un peu, Il rageait aussi d'avoir peur. Anatoli l'acheva. « C'est la révolte, oui. 3 semaines d'avance, grâce à vous. » Il avait reçu tout au sein d'Avani. Il se tint quoi ? Les derniers mots d'Anatoli soudain l'accablaient. Anatoli l'épiait encore en disant à Paulin « Au revoir, mon ami, et à bientôt, n'est-ce pas ?» Elle voulait qu'il eût parlé. Il répondit « À bientôt. Je regrette que notre gentil bavardage... »« Je le regrette plus que vous, mademoiselle Anatoli, et pour vous... »« Ce n'est rien, je t'accompagne jusqu'à la porte. » Quand elle revint, elle était contente d'avoir ménagé à Paulin cette honorable sortie. Et elle méprisait René, si aisément vaincu. René, lui, ne relâchait rien de sa colère. Et désormais, pour l'imparti, que craignait-il ? Des insolences qu'il entendrait seul, les insolences d'une gamine, dont il aurait pourtant raison. Il commença. « Ce petit Paulin, tu sais ce que c'est ?»« Oui, un révolutionnaire. » Si résolu que fût Anatoli, et bien qu'un révolutionnaire dans ces conditions ne lui semblât ni monstrueux ni dangereux, elle avait vu Paulin doux et timide, ce mot la troublait. « Ah ! » fit-elle. « Oui, tu sais comment il a quitté la ville ? Un scandale. Tu sais que je l'ai chassé de mes ateliers ?»« Oui, oui, je sais tout ça. » On ne le dirait pas, ce petit énergumène couvert de scandales et que j'ai chassé de chez moi, tu le reçois. Ce n'est pas tout, tu te promènes avec lui. Anatoli s'émerveilla, puis elle éclata de rire. Ah, ça, c'est magnifique. Elle s'approcha de la pendule, posa un doigt sur le cadran. Il n'est pas 7 heures, il était à peu près 5 heures quand j'ai traversé la ville avec Paulin. Ça fait à peine 2 heures. Ah, les miroirs ont travaillé vite. Quoi, les miroirs ? Vous appelez ça des espions, je crois. Vous savez bien ces petites machines qui servent au commerce pour qu'elles s'approvisionnent de potins sans avoir à montrer leur vilain minois de chipi. René bouillait d'impatience. Il tolérait mal que cette rebelle lui dénigrât, s'il eût dit ce qu'il pensait. L'une des institutions de la cité, la surveillance provinciale, avec tous ses torts de mesquinerie, ses péchés de malice, ses crimes de délation, c'est pourtant l'honneur d'une petite ville assurée. Maintenant jalousement, et par la petite ville elle-même, qui ne souffre pas d'une atteinte à son idée, peut-être médiocre des bienséances. Mais Anatoli se moquait de telles considérations. Je les devinais dans la vue des vieux rapporteurs, les chipis, l'œil à l'espion. Mais croyez-vous qu'elles ont couru ? René voulut en finir avec ses railleries. « Assez, dit-il, n'oublie pas que tu es sous ma tutelle, et que je peux... »« Vous ne pouvez rien. Si pendant 3 semaines exactement, pas un jour de plus, c'est aujourd'hui le jeudi 9 juillet... » Le jeudi 30, j'ai 21 ans, c'est fini. Vous êtes délivré de moi. Et moi, écoutez bien comment je vous le dis. Je suis débarrassé de vous. Cette insolence affola René. Eh bien non, tu n'es pas débarrassé de moi. Ne te figure pas ça. Des comptes de tutelle ne se rendent pas du jour au lendemain. Et je reste en tout cas ton oncle, le chef de la famille. Vous ne pouvez rien. Notifie pas, et ce Paulin, sa situation n'est pas nette. Il a quitté Castillac sur un méfait. Peu, il y a prescription. Son retour ici n'est pas clair. Il est venu prier sur la tombe de votre mère. Prier, non, mais Anatoli était lancé. René sentait que ses menaces ne portaient pas. Il recrut à sa suprême astuce l'argent. Et c'est ainsi qu'il avait eu la maison du parvis. C'est ainsi qu'une fois encore il imposerait sa volonté. Sa volonté de quoi ? Ah, il ne le savait pas beaucoup. Sa volonté, non, sa colère. Il n'était plus fort. Tu veux te débarrasser de moi ? C'est bien. Je te restitue ton argent. « Avant 3 semaines, j'en ai le droit, je t'achète de la rente et... » Anatoli l'interrompit. « Ah, mais ça, c'est un truc qui vous a déjà servi. Mais oui, je m'en souviens. Grand-mère m'avait raconté. Eh bien, j'accepte. Ah, la bonne idée. Si vous saviez le plaisir que vous me faites, vous en seriez désolé. Ça m'est égal l'argent, pour la vie que je compte mener. J'en aurai toujours plus qu'il ne m'en faut. Et en échange, ce n'est pas trop cher, je n'aurai plus à vous voir, plus à vous écrire, à vous donner des signatures, à vous connaître. » René avait changé de figure. Il se congestionnait, il bredouillait. « Anatoli, Anatoli !» Anatoli continuait. « Je ne sais pas si je vous l'aurais dit, mais je vous le dis. Je ne vous ai jamais aimé. Toute petite, à peine arriviez-vous chez grand-mère, j'avais envie de me sauver. Plus tard, j'ai compris pourquoi je vous détestais. Oui, c'est à cause de votre égoïsme, et non seulement à cause de cela, mais à cause de tout ce que vous êtes. Vous ne faites pas, vous ne dites pas, vous ne pensez pas une chose qui ne me soit antipathique. » Sans vous, je crois que j'aurais pu vivre dans les conditions où j'étais. Avec vous, non. Il y a entre vous et moi de la haine, avouez-le. Il gémit. Pas du tout. Mais si, je vous ai senti sur toute mon enfance comme un poids qui m'étouffait. Et puis vos stratagèmes d'argent me dégoûtent. Mais c'est fini. Vous me rendez mon argent et c'est fini, fini, fini. René répondit. Je ne ferai pas ça. Tiens, c'est changé maintenant. Pourquoi ? Mais parce que je suis meilleur que tu ne crois. Je ne veux pas te mettre dans la gêne. je ne terminerai pas ainsi une gestion de tutelle qui a été, tu peux me croire, impeccable. Ça, j'en suis sûr. Je sais que vous êtes impeccable, oui, je le sais, mais sans bonté. Alors pourquoi retirez-vous votre menace ? Je te l'ai dit, ce n'est pas ça. Et René fut prise à son piège. L'usine allait bien, et elle donnait de beaux profits. Mais il avait fallu la maintenir à son niveau, résister contre les périls de la concurrence, et engager des capitaux pour des accroissements indispensables de machines, de main-d'œuvre. Rendre des comptes de tutelle, René le pouvait, et hardiment et fièrement. Déplacer, restituer du jour au lendemain les 580 000 francs, qui étaient la fortune d'Anatolie, il ne le pouvait pas sans une gêne véritable. Il dut en convenir, et il disait « L'industrie française traverse une crise. » Anatolie le harcela. La gêne qui résulterait pour lui du retrait de cet argent devait-elle compromettre l'usine, compromettre l'avenir des siens, de ses fils, des Antoine ? Eh bien oui. Elle s'était plu à le taquiner, mais il lui déplut de l'avoir à sa discrétion, si plaintif. Il n'avait plus son arrogance. Elle lui dit un peu confuse « Alors je vous laisse mon argent. » Et il s'amollissait. Il la remerciait, une larme au coin de l'œil. « Mais à une condition, vous allez à partir d'aujourd'hui me laisser tranquille, absolument tranquille. Je ne veux plus entendre parler de vous, c'est convenu ?» Il l'accusa de le méconnaître. Il avait pour elle beaucoup d'affection, et s'il veillait sur elle, sur sa renommée comme sur sa fortune, ce n'était que tendresse. « Ah, on ne le comprenait pas !» il geignit. « Tu m'as fait beaucoup de peine. » Elle répliqua « Je vous ai fait joliment peur !»